une chambre d'hôtel anonyme dans la zone industrielle de Moulins. C'est ici qu'une jeune femme de 26 ans a été giflée, frappée. Mercredi soir, les secours sont arrivés trop tard. Pompiers et gendarmes n'ont pu que constater les plaies et ecchymoses. C'est inhumain, quoi. C'est choquant. En 3 ans, le chiffre a augmenté de plus de 30%. Ce chiffre, c'est celui des faits constatés de violences conjugales, une évolution continue dont le rythme s'accélère. J'aurais pu avoir une chambre bien décorée, entourée de peluches, un nid douillet plein de jouets colorés. J'aurais pu être entouré d'attention particulière, un ange doré parmi les hommes, un être adoré. Mais voilà, à l'extérieur ça gronde, des hurlements autour de moi, les organes tremblent. Ce cordon qui me rattache à la vie se serre de plus en plus, m'étrangle. J'ai peur, j'entends la haine, la foudre s'abattre. Je ressens les chocs et puis les coups, tous les sentiments, flaques de sang, nos cœurs battent de plus en plus lentement. Maman, maman, maman. Mais on ne peut pas vivre comme ça, papa. C'est fou, la boule au ventre, à chaque tour de verrou. Maquiller ses plaies, habiller ses peines par des sourires. Encaisser le regard des voisins navrés sur le palier. Et moi dans tout ça, grandir effrayé, boire. Oublier à mon tour porter ce regard hagard qui fout la frousse. M'endormir la gorge serrée, la haine au ventre. Te ressembler et puis frapper. Mais comment ça, toi, Seth? Tu fous de ma gueule? Tu crois qu'on a besoin de ça? Non. Putain, reviens! Sans macadam, mais tu m'aimes. Fais du père, reproduis son phonogramme. Mais tu m'aimes, rame sur macadam. Fais du père, reproduis son phonogramme. Mais tu m'aimes, rame sur macadam. Mais tu m'aimes, fais du père, reproduis son phonogramme. Mais tu m'aimes, rame sur macadam. J'ai rencontré ta mère, un sale matin de printemps, une fleur fanée, avant d'être épanoui, moi, un type paumé. Je passais mon temps à boire mon temps au bar PMU, je buvais mon RMI, puis on s'est mis ensemble par nécessité, par accoutumance. Pas de dépendance, chacun voulait son indépendance. Elle m'a pris avec mon alcoolisme et tous mes vices, et moi avec son fatalisme, jusqu'au jour où elle m'annonce l'accident de parcours. Je t'avoue, t'es arrivé que mes voitures crevaient sans pneus de secours. Si j'avais pu faire demi-tour, je l'aurais fait sans retour. Dur d'assumer un gosse qui n'est pas le fruit de l'amour. Impulsion, la claque, je me suis senti dans un cul-de-sac, la tête en vrac. J'ai fracassé ta mère à coups de savate. J'ai frappé, tapé, cogné, à m'en faire mal aux mains, stoppé sec. Cellule de dégrisement, gueule de bois sur froide boîte. Douleur au foie, j'ai les poignets en feu à cause des menottes. Tout est calme, les bruits des clés dans la serrure. On ouvre la porte et les flics m'escortent. Dehors, la foule, on m'insulte. On me traite comme si j'étais la dernière des brutes et je crie. Je suis innocent, c'était qu'un accident. En apercevant au loin un jardin d'enfants. Tu es la femme que je n'ai jamais aimée. Et moi le fils que t'as jamais eu. Mais tu mènes, drame sur macadam. Mais tu mènes, fais du père, reproduis son phonogramme. Mais tu mènes, drame sur macadam. Fais du père, reproduis son phonogramme. Mais tu mènes. Rame sur macadam, mais tu m'aimes. Fais du père, reproduis son phonogramme. Mais tu m'aimes. Rame sur macadam. Fais du père, reproduis son phonogramme. Mais tu m'aimes. Rame sur macadam, mais tu m'aimes. Fais du père, reproduis son phonogramme. Mais tu m'aimes. Rame sur macadam. Fais du père, reproduis son phonogramme. Mais tu m'aimes. Rame sur macadam, mais tu m'aimes. Fais du père, reproduis son phonogramme. Mais tu m'aimes. grammes sur macadam. Fait divers reproduit sur phonogramme.